On termine les entrevues qu'on a réalisées dimanche à la fête de Marianne Saint-Gelais. Aujourd'hui, c'est avec Mélanie Bouliane, la présidente des Éclairs de Saint-Félicien, où elle nous parle de l'année au club des Éclairs et également de la présence de Marianne Saint-Gelais et l'impact qu'elle a sur les jeunes. On va écouter l'entrevue avec Mélanie Bouliane. Merci Mélanie Bouliane. Bon après-midi, Mélanie. Bon après-midi à vous aussi. Mélanie, avant de parler du club un peu, j'aimerais parler de Marianne. Est-ce qu'elle a un impact encore grand sur le club actuellement, même si c'est à Montréal? Oui, effectivement. Quand on performe, même quand on ne performe pas, on entend beaucoup parler de Marianne. Puis je pense qu'elle apporte beaucoup là, au club, là, après l'inscription. Là, ça attire les jeunes, effectivement. OK. Oui. Justement, si on parlait du club, comment ça va cette année? Ça va bien. On a perdu quand même quelques inscriptions au cours des dernières années, mais ça se maintient. On a 40 jeunes, ça va bien. On espère en gagner d'année en année, mais comme c'est là, c'est quand même bien. Au niveau des jeunes sur le niveau performance, est-ce que ça va quand même assez bien de ce côté-là? Oui, on a quand même Marianne qui est sur l'équipe nationale qui vient d'ici. On a Cassandra qui aussi qui est sur l'équipe nationale. Rosalie Tremblay qui est sur l'équipe de développement présentement. On a aussi Léonie Bradette qui est rendue à Montréal pour faire son entraînement. On a Catherine Maillot aussi dans les plus grandes. Ensuite, ben, au niveau provincial, on a Flavie qui est rendue au niveau élite aussi, Flavie La Roche-Roy. Elle est rendue à Robertval, mais c'est quand même une patineuse qui a patiné longtemps à Saint-Félicien. Ensuite de ça, on a Maïka aussi au niveau provincial. Puis au niveau régional, on s'en sort bien, puis interrégional aussi. Il y avait qu'il y a quelques années, du côté de Claire, vous pratiquez à 6 heures le matin. Est-ce que c'est encore le même problème qu'on a? Oui, bien, problème, oui puis non. Il y en a que ça fait quand même... C'est pas évident, là. C'est pas évident pour le club. Non, ça l'arrête beaucoup. Il y en a que c'est une des choses qui fait qu'ils viennent pas nécessairement s'inscrire au club de papin. Ils ont peur de se lever le dimanche matin, effectivement. C'est 6h15, mais c'est nos plus vieux. Nos plus jeunes, on les fait pratiquer à 8h. Mais j'avoue que c'est de bonheur. Il y avait du travail à mener. On voulait peut-être travailler là-dessus pour essayer de changer les heures. Est-ce qu'il y a une ouverture du côté de la ville là-dessus? Puis ça fait longtemps que ça... Ça dure. Bien, écoutez, je pense que les heures sont déjà beaucoup comblées. Ouais. On a déjà, d'année en année, on renouvelle ses... Travailler là-dessus pour essayer de changer les heures. Est-ce qu'il y a une ouverture du côté de la ville là-dessus? Puis ça fait longtemps que ça... Ça dure. Bien, écoutez, je pense que les heures sont déjà beaucoup comblées. Ouais. On a déjà, d'année en année, on renouvelle ces heures-là. Oui, on aimerait peut-être en avoir même plus d'heures, mais c'est difficile aussi. Il faut avoir, là, on a le hockey aussi qui ont besoin d'heures, le patinage artistique aussi. Oui, ça ferait bien d'avoir plus. Présentement, on est en collaboration avec Robertval, ça nous permet d'avoir des heures aussi là, à Robertval. Tant qu'on est capable là, avec Robertval, c'est merveilleux. Sinon, ben, oui, il faudra éventuellement, si on part avec Robertval, se restiner un petit peu. Là, parce que c'est un gros problème. Au côté du bénévolat maintenant, est-ce que ça va bien de ce côté-là? Bien, présentement, on est à recherche d'entraîneurs. Là, oui, nos entraîneurs les plus vieux, les filles, ben, les enfants partent à l'extérieur. C'est moins tenté de donner du bénévolat. On en a quand même qui sont revenus, qui n'ont plus d'enfants qui patinent nécessairement, qui sont là. Mais oui, on a besoin d'entraîneurs. Combien à peu près? Je vous dirais qu'on a un qui vient de finir sa formation. Là, ça fait pas longtemps, ça nous en fait un, mais c'est les disponibilités aussi. Tu sais, quand on patine à 4 heures, le monde qui vient de travailler à 5 heures, il nous faut des entraîneurs. Des fois, c'est ça qui est difficile.